Space Party. Le cauchemar ne fait que commencer. Extravagance. Space Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de boufoulguèches, le commandant Cocteau, c'est OCTO dans la radio pour le 16e Space Party. Le Space Party, c'est pour faire une rêve à la maison ou dans une 4x4 Lada quittée. S'il vous plaît, allez quitter ma Lada. Le Space Party, c'est plus fort que l'odeur de Johnny Hallyday sur scène. Space Party, c'est plus fort que la balade des gens heureux de Gérard Lenormand remixée par Dimitri, avec dans la première session du non-stop Speedy G, Kool & Kat, Laurent Garnier pour les inconditionnels de Moby, 10 minutes de Go Forever, tout électron, Nuke, THK. Something for your mind. Something for your mind. Dollar. We'll be right back. Énergie, allons, ne vous découragez pas, non, montrez-nous une carte du monde avec les trajets de nos derniers voyages. Oui, évidemment, regardez, il ne reste qu'un continent, un violet ici. Que faire ? Nous allons faire une petite expédition, je crois, une petite expédition dans un lieu incroyable. Un vaisseau, peut-être celui du Space Party, mais oui, avec dans la deuxième session du non-stop, The Edge of Love, Nightmare en Wax, Eskimos en Égypte, Tune Request, Shaman, Africa Banbata, Too Unlimited et Psychohype. Faites attention, des gens nous regardent. Qu'est-ce qui se passe? Des gens nous regardent! Dance with me, move your body, your legs a bit. Come on, dance with me, move your body, your dance with me, move your body, your legs a bit. We'll be right back.

magic friend, that's what I am. Mother, mother, mother, mother, mother, mother. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est toujours le printemps. Énergie, le 16e Space Party s'achève, encore beaucoup plus grave que d'habitude. Nous pétons les plombs. Oui, on n'en peut plus. Et attention, il va falloir une semaine avant de nous gratter les cheveux pleins de croûte. Et quand on gratte, ça saigne. Avant de sucer un bout de bronche bouchant une narine d'un tuberculeux, avant de se trouver mal. Le commandant Cocteau, c'est OCTO dans la radio, vous embrasse pour le Space Party. Et vous connaissez le truc, pour la communication, 3615 code énergie, boîte aux lettres Cocteau, c'est OCTO, ou bien par le biais du courrier, 39 avenue Diana, 75116 Paris, ça. Paris, petite fille, Pigalle, bois de Boulogne. Ah, D'ici la semaine prochaine, méfiez-vous des licornes éventrées. Mais avant, on va jouer. On est très joueurs. En France, on est très joueurs, c'est vrai. Ça m'amuse beaucoup de jouer. J'aime bien. On joue ensemble, on fait un petit star match. Et puis après, l'heure du grand choc. C'est quoi ça? Oh, je trouve pas. Ah bah, Rod Stewart. Avec son poireau. Oh, ouais, je vois pas là. C'est dur, hein. Je trouve pas, hein. Ça m'est égal. Marc Lavoine, ah, Robert, Marc Lavoine. Je connais par cœur. C'est égal. C'était bien, hein. Eh bien, on recommencera la semaine prochaine. Pour l'instant, l'heure du grand choc. Ouais, 14h du mat. Bonsoir.